إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc aujourd'hui, بإذن الله, on continue l'explication en langue française du livre من كنوز القرآن الكريم, parmi les trésors du Saint Coran. Et parmi donc les versets que le Cheikh a choisis dans ce livre, il a pris les versets de Sourate Al-An'am. Sourate Al-An'am. Et le verset aujourd'hui étudié bi-idhnillah, c'est le verset numéro 160. Yaqul Allah Azza wa Jal, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yudlamun. Donc Allah Azza wa Jal dit, en ce verset, la traduction donc du sens du verset, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. C'est-à-dire, chaque personne qui fait une bonne action, une hasana, une bonne action, Allah Azza wa Jal, en récompense, en rétribution, il va lui donner 10 fois ce qu'elle vaut. Et donc cela, en fait, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlu min Allah, li'ibadi, pour ses serviteurs. C'est pour ça que le shir dit, fi hadhihi al-ayati al-karima bayanu fadlillah azza wa jal wa 'adlihi wa annahu yuthibu 'ala al-hasanati bi muda'afatiha ila 'ashrin wa ila 700 da'fin wa ila ad'afin kathira. C'est-à-dire, le shir nous dit que Allah azza wa jal, il, de par donc sa faveur, sa grande faveur, et de par également sa justice, subhanahu wa ta'ala, il récompense celui qui fait la bonne action. Il récompense et il donne en rétribution des bonnes actions ce qui va jusqu'à 10 fois cette bonne action. 10 fois. Elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. Et même au-dessus de 700 fois. Il a barafim kathir. Et ça, c'est min fadlillah azawajal. C'est-à-dire que la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et il donne à qui il veut, comme il veut. Et c'est pour cela que le Shir, en fait, va nous expliquer qu'il est venu beaucoup de versets dans le Coran qui sont, on va dire, générales. C'est-à-dire qu'ils ont un aspect général par rapport à la rétribution de Al-Hasana, c'est-à-dire la bonne action. Et il va donc nous expliquer que ce verset-là vient détailler quelle est, en fait, la signification des autres versets qui sont plus générales. Il vient détailler ce qui est, en fait, général. Et parmi les versets qui nous cite le Shir, le verset qui se trouve sur les femmes, An-Nisa, qui est le verset 40. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yadlimu mithqala dharra, wa in taku hasanatan yudha'ifaha, wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Certes, Allah ne laisse personne. C'est-à-dire qu'Allah azawajal ne fait pas d'injustice, fût-ce du poids d'un atome. Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice à qui que ce soit, fût-ce du poids d'un atome, aucune injustice de manière absolue. S'il est une bonne action, donc si la personne fait une bonne action, Allah Azza wa Jal, il la double. Donc ici le terme employé, yudha'ifa, c'est-à-dire il la double. Et donc on va comprendre par le sens il la double que le minimum qu'Allah Azza wa Jal va lui donner, c'est 10 fois. 10 fois sa valeur, comme il est précisé donc dans le verset qu'on étudie. Falahu ashru amthaliha. Donc le terme yudha'ifaha, même si c'est traduit par doubler, ça ne veut pas dire deux, ça peut vouloir dire beaucoup plus. Et le mudha'afa, c'est ce qui est multiplié, ça peut être par deux, ça peut être par trois, ça peut être par quatre, etc. Donc ici l'explication, on va revenir au verset qui nous détaille. Nous détaille cette rétribution. Et également on va voir qu'on va revenir à un hadith qui est connu et qui a été rapporté par l'imam al-Nawawi fil arba'in, dans ses 40. Les 40 de l'imam al-Nawawi, al-Arba'in al-Nawawiya. On va voir donc que c'est un hadith qui a une importance fondamentale au niveau de l'islam, surtout par rapport à ceux qui ceux qui font des bonnes actions, ceux qui font des mauvaises actions, qu'ils sachent comment va être cette rétribution. Également parmi les versets qui sont venus de manière générale, le verset suivant. يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ça c'est في سورة القصص. C'est le verset 84. Quiconque viendra avec le bien, donc ils traduisent par le bien et ils traduisent également par la bonne action. À la kulli hal, que ce soit un bien, que ce soit une bonne action, le terme qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Hasana. Falahu khayrun minha, c'est-à-dire il aura meilleur que cela encore. Falahu khayrun minha. Donc la signification ici, qui est de manière générale, khayrun minha, on ne sait pas exactement. On va donc revenir au verset qui nous dit ashru amthaliha. Et bien sûr, on va voir qu'ici c'est le minimum, parce qu'on va voir également que dans l'explication que nous a donnée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir que ça peut être bien plus de 10, comme on l'a dit en présentation. Ça peut être également au-dessus de 700 fois. Et bien encore au-dessus. Également parmi les versets qui viennent de manière générale, man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun wa min jaa bis sayyati fakubbat wujuhum fin nar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ça c'est fi sourate An-Naml, et c'est le verset 89 et également 90. Qui conviendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils sont en abri de tout effroi. Donc ça bien sûr c'est pour celui qui a fait le bien, celui qui a fait la bonne action. Et qui conviendra avec le mal, alors il sera culbuté le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvriez? Et on va voir également que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en évidence quelle est la récompense, ou quelle est plutôt la rétribution de la personne qui fait la mauvaise action. Et on va voir également ici Al-Fadlu min Allah Azza wa Jal wa Adlu, c'est-à-dire on va voir la justice et on va voir également la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le shir, après avoir cité ces versets, il va citer donc ce hadith, qui est donc, comme on l'a dit, un hadith rapporté par l'imam, que l'imam An-Nawawi a rapporté dans ses 40, et qui est donc un hadith qui va relater les bases de la religion. C'est pour ça qu'il dit le shir, wa jaa fi sunnati tawdihu al-jaza'i 'ala al-hasanati wa sayyi'ati إِذَا هَمَّ بِهَا أَوْ عَمِلَهَا. C'est-à-dire que dans ce hadith, on va maintenant avoir le détail. De quoi? De la rétribution de celui qui fait une bonne action, de celui qui fait une mauvaise action, qu'il ait eu l'intention de la faire sans l'avoir fait, ou qu'il ait eu l'intention et l'a fait. Et on va également voir, d'après une parole de Ibn Kathir, comme il va nous expliquer les versets et le hadith, on va voir en fait également la personne qui a l'intention de faire une action, c'est-à-dire une mauvaise action, puis ne l'a pas faite. Enfin, le hadith, c'est le suivant. Il est rapporté par Ibn Abbas. Il est rapporté par Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fima yarwi an Rabbi, azza wa jal. Donc c'est un hadith qui est considéré ici, hadith Qudsi. C'est-à-dire que, Allah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et qu'il nous informe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est pour ça qu'il est dit فِمَا يَرْوِي عَنَ رَبِّي, c'est-à-dire dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, le Seigneur de Muhammad. إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَةِ وَالسَّيِّئَاتِ. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل a prescrit les bonnes actions. Allah عز وجل a prescrit les bonnes actions, également les mauvaises actions. Et bien sûr, ici, c'est une prescription qui rentre dans la volonté d'Allah Azza wa Jal, dite universelle. Thumma bayyana dhalik. Ensuite, il a mis en évidence. Et lorsque, ici, le terme thumma bayyana dhalik, c'est-à-dire il a mis en évidence sa récompense. Qu'est-ce qu'on va en déduire, ou qu'est-ce qu'on va tirer de ces bonnes actions, de ces mauvaises actions? Fayaqul, faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Celui qui a eu l'intention. Donc ici, hamma. Et le verbe hamma, c'est donc avoir l'intention. Avoir une intention, avoir eu la volonté. Donc ça part bien sûr du cœur. Dans un premier temps, ça part du cœur. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Et ensuite, il ne la fait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu, il n'a pas pu concrétiser cette bonne action. Qu'est-ce qui se passe? كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Allah Azza wa Jal lui inscrit une action ou une bonne action complète. C'est-à-dire que cette bonne action, elle va lui être comptée comme complète, comme si en fait elle avait été faite. فإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Et à partir de là, le deuxième cas qui va se présenter, فإن هم بها, s'il a l'intention de la faire, فعملها, et ensuite il l'a fait, c'est-à-dire qu'il a pu la concrétiser, il a pu la faire, il a pu l'accomplir, Allah عز وجل va lui inscrire quoi? 10 حسنات. Il va lui inscrire donc 10 bonnes actions jusqu'à 700 bonnes actions. Il a subhumiyat al-ba'af multiplié par 700. Ça part à partir de 10, donc le minimum c'est 10 ici, jusqu'à 700. Et on voit que dans le hadith, il a abarafin kafira, encore au-dessus de 700. Donc on voit que le shir au début, lorsqu'il a parlé donc de 10, il a parlé de 700, il a parlé également au-dessus de 700. Il a fait référence à ce hadith. Wa in hamma bi sayyatin falam ya'malha kataba Allahu 'indahu hasanatan kamila. Si maintenant la personne, donc c'est un troisième cas, si la personne a l'intention de faire une mauvaise action, puis il ne fait pas cette bonne action, cette mauvaise action, il n'accomplit pas cette mauvaise action. Et bien sûr ici on va comprendre, d'après donc la parole de Ibn Kathir ensuite, qui nous donne une explication du verset précédent ou du verset qu'on est en train d'apprendre ou d'étudier, on va voir que, et on va comprendre que la personne ne l'a pas fait de sa pleine volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est venu le stopper ou quelque cause que ce soit. Donc on va voir ici que donc la personne ne l'a pas fait de son plein gré. C'est ça qu'on comprend. Il ne l'a fait pas de son plein gré. فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلًا. Allah Azzawajal va transformer cette mauvaise action, ou plutôt l'intention d'avoir fait une mauvaise action, et au moment où la personne donc n'a pas fait cette mauvaise action et s'en est abstenu, Allah Azzawajal, du fait qu'il s'est abstenu de faire cette mauvaise action, Allah Azzawajal va lui compter une bonne action. Donc c'est une seule bonne action ici. Et donc si on compare maintenant la première parole ou le premier cas, on va voir également que c'est exactement la même rétribution que si la personne a eu l'intention de faire une bonne action et n'a pas fait la bonne action. On voit que c'est en fait la même rétribution. Ici c'est pareil. فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Et bien sûr ici, à la différence que c'est la mauvaise action. Donc on voit ici que l'abstention, le fait de délaisser une action, c'est compté en fait comme une bonne action. Et bien sûr, le fait de s'abstenir de faire une mauvaise action. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيَّةً وَاحِدَةً. Par contre, s'il a fait maintenant cette mauvaise action, s'il l'a accomplie, Allah subhanahu wa ta'ala lui la compte comme telle, une seule. C'est-à-dire ici, il n'y a pas al-mubarafa, il n'y a pas en fait la multiplication de la rétribution par rapport à la mauvaise action, non. La mauvaise action est rétribuée suivant son nombre. Si c'est une mauvaise action, elle est rétribuée une mauvaise action, pas plus, contrairement donc à la bonne action. Donc on voit ici, de manière évidente, la faveur d'Allah azawajal sur ces créatures. Ensuite, le shir va nous rapporter la parole de Ibn Kathir, donc sur l'explication de ce verset, du verset qu'on apprend, qu'on étudie. Donc, Ibn Kathir, rahimallah, yaqul wa'alam anna tarika sayya lam ya'malha ala thalathati aqsam. Donc maintenant, le shir va détailler par rapport à celui qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a pas accomplie. Il va en fait détailler. Et il détaille en nous citant qu'il y a trois cas. Donc on a vu donc dans le hadith, il y a quatre cas, pour bien se resituer. Il y a quatre cas. La personne qui fait une bonne action, enfin, la personne qui a l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas, Allah Azza wa Jalla compte une bonne action complète. Ensuite, la personne qui a l'intention d'avoir une bonne action et il l'a fait, Allah Azza wa Jalla lui compte à partir de 10, une rétribution multipliée par 10, voire 700, voire plus. Ensuite, le troisième cas, la personne qui a l'intention d'une mauvaise action, puis il ne la fait pas de son plein gré, parce qu'elle a voulu s'abstenir de cela, alors dans ce cas-là, Allah Azza wa Jalla lui compte une bonne action. Et ensuite, la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action, et il l'a fait, Allah lui compte simplement une mauvaise action. Le shir, donc, il va revenir maintenant au troisième cas. Et nous, en fait, on a détaillé déjà un cas. On a dit la personne qui l'a fait, en fait, de son plein gré. La personne qui l'a fait de son plein gré, et qu'on, bien sûr, on dit de son plein gré, c'est-à-dire en vue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il délaisse cela en vue d'Allah. Donc le shir, maintenant, il va détailler que dans ce troisième cas, il y a trois cas. Il nous dit « Taratan yatrukuha lillah, fahada tuktab lahu hasanatun ala kaffihi anha lillah azza wa jal. » Donc le premier cas, « Wada amal wa niya tayyib. » Donc c'est le premier cas où la personne délaisse la mauvaise action pour Allah. Lillah, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à ce moment-là où Allah azza wa jal lui inscrit une bonne action. Et c'est en fait le cas qui est cité dans le hadith. Tayyib. Et il nous dit le cheikh que ceci, wa amal wa niya. Pourquoi il dit hada amal wa niya alors qu'il a délaissé? C'est-à-dire qu'il l'a délaissé pour Allah Azzawajal. Donc ici il y a une abstention, il y a un délaissement de l'acte. Et lui il a cité acte. Et il faut savoir donc que le fait au niveau de la jurisprudence et au niveau des bases de la jurisprudence, il faut savoir que les savants disent que le délaissement, at-tark, c'est considéré comme amal, c'est considéré en fait comme une action. La personne qui délaisse quelque chose en vue d'Allah Azzawajal, ça va lui être compté comme tel, et donc ça va lui être compté comme une action. Comme si en fait il avait fait une action. C'est pour ça en fait que at-tark ou al-amal, le fait de délaisser quelque chose, c'est en fait un acte. C'est le fait, ou c'est un acte. Le fait de délaisser quelque chose, c'est un acte. C'est pour ça ici qu'il dit le shir, wa hadha amal wa niya. Donc il y a eu une action qui a été faite, parce que lorsque toi tu, maintenant, t'abstiens de faire cela, tu agis sur toi-même. Alayhi sakadalik, tu agis sur toi-même. Donc lorsque tu agis sur toi-même, c'est le résultat d'une action. Et le résultat de cette action, c'est le délaissement. Donc c'est pour ça qu'il dit le shir, wa hadha amal wa niya. C'est une action et une intention, bien sûr. Parce qu'elle est partie dès le départ du cœur. Donc c'est une action et une intention. C'est donc pour ça, c'est pour cette raison qu'Allah Azzawajal lui compte une bonne action. C'est pour cette raison-là. Comme cela est devenu dans certaines versions. C'est-à-dire que le shir, il nous rappelle certaines versions du même hadith qu'on est en train de détailler. فإنها تركها من جرائي أي من أجلي أي من أجلي. C'est-à-dire que cette version nous dit que il est cité dans ce troisième cas. وإن هم بسيئات فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Il est précisé dans une autre version qu'il le fait en vue de lui, en vue d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'on a interpréter, expliquer cette partie du hadith, que c'était donc de son plein gré. Et la signification de son plein gré, c'est bien sûr pour Allah, qu'il l'a fait pour Allah, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli. Wa taratan yatrukuha nisyanan wa dhuhulan anha. Fa hadha la lahu wa la alayh. Et non, c'est le deuxième cas. Li'annahu lam yanwi khayran wa la فعل شرا. طيب, maintenant c'est le deuxième cas. La personne maintenant qui veut faire une mauvaise action, la personne oublie ensuite de la faire. Donc il a eu l'intention de faire cette mauvaise action et puis il est devenu ce qu'il est devenu et ça l'a détourné de repenser à faire cette mauvaise action. Donc il ne l'a pas faite à cause donc de l'oubli. À cause ici de l'oubli, nisyan. طيب. Donc qu'est-ce qui se passe? يقول الشيخ فهذا لا له ولا عليه. C'est-à-dire, il ne récupère pas de bonnes actions ici, et il ne récupère pas également de mauvaises actions, parce qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc ça ne rentre pas en fait dans le hadith. Le deuxième cas ici, qui nous est expliqué, ne rentre pas en fait dans la signification du hadith, parce que dans la signification du hadith, on a bien sûr la rétribution d'une bonne action, pour celui qui a délaissé la mauvaise action. Et donc c'était le cas où c'était pour Allah Azzawajal. Ici, c'est par oubli, tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'aurait pas oublié, il aurait fait la mauvaise action. Mais vu qu'il l'a oublié, il ne l'a pas fait. Donc, ce n'est pas pour lui et ce n'est pas contre lui. Donc ici, c'est neutre. Et il dit en fait le shirk pourquoi ? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. Donc dans ce cas, c'est neutre. Pourquoi il n'a pas eu l'intention de faire un bien ? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de s'abstenir de cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَرَةً يَتْرُكُهَا عَجَزًا وَكَسَلًا عَنْهَا بَعْدَ السَّعِي فِي أَسْبَابِهَا. Ça aussi c'est important et c'est le troisième cas. Par contre, la personne maintenant qui ne peut la faire, qui ne peut faire cette mauvaise action à cause de ce qui l'empêche, il y a une cause qui va l'empêcher de faire cela, ou par fainéantise, également par fainéantise, il détaille le shir, il dit par fainéantise. Donc عَجَزًا, c'est quelque chose qui l'a empêché de la faire, il n'a pas pu la faire. Par exemple, quelqu'un maintenant qui part pour faire une mauvaise action, il arrive en fait que le qadar, c'est-à-dire ce qui lui est prédestiné, c'est qu'il ne peut faire cette mauvaise action. Pour une cause quelconque, on pourrait détailler, on pourrait rapporter 1000 causes qui nous empêchent, qui peut nous empêcher de faire une mauvaise action. Donc c'est contre notre gré ici. On voit bien ici que c'est contre notre gré, parce que nous on a voulu la faire, cette mauvaise action, dans ce cas-là. Donc Ajzan ou Kaslan, ou bien également par fainéantise. La personne, des moments, elle délaisse, il arrive qu'elle délaisse une mauvaise action par fainéantise, alors qu'elle a voulu la faire. Donc à ce moment-là, il nous dit que ça ne va pas rentrer. Ça ne rentre pas, bien sûr, dans le hadith. Ça ne rentre pas dans le hadith. وَيَقُولْ فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ فَعِلِيَا. C'est-à-dire que cela, que cette personne-là va prendre exactement la place de celui qui l'aurait fait. Exactement. Exactement la même place. Il va rapporter une preuve par rapport à cela de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui n'a pas pu la faire à cause de ce qui lui a empêché de l'exécuter ou par fainéantise, cette personne-là, il lui est inscrit une mauvaise action comme la personne qui aurait pu la faire. Donc si on faisait un parallèle entre deux personnes, ils sortent de chez eux, ils ont la même intention, faire la même mauvaise action. Il prend la voiture, les deux prennent la voiture, un d'eux, sa voiture tombe en panne. Il ne peut donc aller à son but. À cause, par exemple, ici, l'exemple qui est pris, la panne de voiture. L'autre, sa voiture ne tombe pas en panne, il atteint son but. Il fait la mauvaise action. L'autre n'a pas fait la mauvaise action à cause de cet empêchement. Les deux sont rétribués de la même façon, par une mauvaise action. Enam. Wad Dalil, quelle est la preuve de cela? Le shir va rapporter un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans leur authentique. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, idha tawaja al-musliman bisayfihima. C'est-à-dire lorsque les deux musulmans s'affrontent avec leur épée. Bisayfihima. Avec leur sabre. Fal-qatil wal-maqtoul fin-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce moment-là, celui qui a tué, al-qatil, وَالْمَقْتُولُ, celui qui a été tué, donc celui qui a tué et celui qui a été tué sont dans le feu. Finnar. قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ. Ishkal. C'est-à-dire il y a eu en fait une ambiguïté par rapport à la compréhension de ce hadith. Donc c'est pour ça que les compagnons lui ont demandé au prophète sallam. Eux ils ont compris que celui qui a tué cette personne-là, il rentre dans le feu. Mais comment ça se fait par rapport à celui qui a été tué? فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. Donc ils l'ont demandé au prophète sallam. هذا القاتل نعم. C'est-à-dire qu'on a compris que القاتل c'était logique qu'il rentre dans le feu. Mais comment peut-on comprendre par rapport à celui qui était tué? À ce moment-là, le prophète sallam il dit يقول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبي. نعم. C'est-à-dire que la personne qui a été tuée, elle aussi elle voulait tuer son compagnon. Donc il nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison du fait que cette personne, celle qui a été tuée, est également dans le feu avec celle qui a tué. Pourquoi? Il nous dit innahu kana harisan, c'est-à-dire il était avide à la qatli sahibi, pour tuer la personne avec qui il était. Donc la personne qui a été tuée, elle aussi elle voulait tuer. C'est-à-dire si elle aurait eu la possibilité de tuer celui qui est en face de lui, elle l'aurait fait. Comme la personne, elle a eu elle la possibilité de le tuer et elle l'a fait. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a une personne qui a réussi son but, et bien sûr un mauvais but ici, qui est le meurtre de son frère musulman, et donc il est dans le feu. Et également celui qui a donc l'intention de faire cela, mais qui n'a pas pu. Et on voit ici l'ajz. On voit l'incapacité. C'est quoi l'incapacité? Parce qu'il a été tué avant, donc il n'a pas pu faire son action. Il n'a pas pu accomplir à bien son action et concrétiser son intention. Donc à partir de ce moment-là, les deux sont dans le feu. Donc c'est une preuve ici, claire et nette, que la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne peut la faire par empêchement, ou qui ne peut la faire également, c'est ce qui rentre dedans, ce que nous explique le shir par fainéantise, la mauvaise action lui est comptée. Wallah al-musta'an. Tayyib. Ensuite, le shir il va rapporter un autre hadith, mais ce hadith-là, il va le rapporter pour mettre en évidence que c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui rentre bien sûr dans le sujet que l'on traite. Et c'est le hadith suivant: Niyatul mu'min khayrun min amali. Niyatul mu'min khayrun min amali. Donc la signification de ce hadith, et qui est comme on le dit, ba'if, qui n'est pas authentique, et donc on n'a pas le droit de dire que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'est pas authentique, qu'il n'a pas été authentifié comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était rendu faible par beaucoup de savants, et parmi eux Ibn Hajar al-Asqalani comme a fait le Fath, et également Sheikh al-Albani fi silsilat al-Ba'ifa. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani fi al-Kabir, yani Mu'jam al-Kabir, et d'autres encore. Donc niyatul mu'min khayrun min amali. La signification est la suivante: l'intention du croyant est meilleure que son action. L'intention du croyant est meilleure que son action. On veut dire par là l'accomplissement de l'action, et qui est en fait contraire au hadith qui est muttafaqun alayh, apporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, hadith ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de la part d'Allah azawajal que celui qui a l'intention de faire la bonne action, Allah azawajal lui la compte comme telle, et ce sans bien sûr l'avoir fait. Et celui qui l'a fait, Allah azawajal va donc lui augmenter sa rétribution. Donc on voit que al-zahir fi al-zahir, en apparence, il y a une contradiction entre ces deux paroles. Donc une qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément à Allah, vu que c'est un hadith qudsi, et l'autre bien sûr qui n'est pas attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il est non authentique. Donc il est bien de le savoir et de connaître les hadiths lorsqu'ils ne sont pas authentiques, pour ne pas en fait les prendre comme preuve, afin d'argumenter sur des sujets avec des preuves donc qui ne sont pas valables. Non. Tayyib. Ensuite, le shir, il explique un autre hadith, à Warfan, un autre verset du Coran, et qui est toujours fait surat al-An'am. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lah, wa bithalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ça, c'est le verset 162 et le verset 163. Allah, il dit dans ce verset, et donc on en donne le sens, ou la traduction du sens, dit, en vérité ma prière, Qul inna salati, donc ma prière, wa nusuki, et le terme ici nusuki, on va voir en fait que c'est al-dhabh, qui est bien sûr le sacrifice. Le sacrifice qui est bien sûr l'égorgement de la bête. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, et ma vie wa mamati, et ma mort sont Allah, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, Rabbil alamin, Seigneur de l'univers, la sharika la, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre, la sharika la, wa bidhalika umirtu an awwalul muslimin. Dans ce verset, qui est un des grands versets du Coran, où se cachent encore des trésors, Allah Azza wa Jal nous précise que la personne doit avoir l'ikhlas, c'est-à-dire la pure intention dans son adoration pour Allah Azza wa Jal lui seul. Pour toutes les adorations, toutes les catégories d'adoration, qu'elles soient badaniya, qu'elles soient exécutées, ces adorations avec le corps, comme la prière, et c'est le cas ici qui est cité dans ce verset, inna salati, ou qu'elle soit avec l'argent, ou anusuki. Et ici, bien sûr, kadhabh, bahimatil an'am, comme bien sûr le fait d'égorger, de sacrifier les bêtes, les bestiaux. Et ça, c'est bien sûr une adoration qui est maliya, c'est-à-dire une adoration qui est propre au bien, qui est propre à l'argent. Donc il y a une adoration qui se fait avec le corps, une adoration qui se fait avec les biens, qui se fait avec le, avec l'argent, et qui est bien sûr al-ibadatu al-maliya, et l'autre qui est al-ibadatu al-badaniya. Deux sortes d'adoration. Et parmi également les adorations que l'on fait avec l'argent, al-zakah, le fait de payer l'impôt rituel, de verser, de s'acquitter de l'impôt rituel. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'adorer Allah, de l'adorer lui seul, de l'adorer lui seul, et nous interdit donc par là de faire toute adoration ou d'accomplir toute adoration en dehors de lui, ou qui serait pour un autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et ça revient également à une des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur, accomplis la prière pour ton Seigneur, wanhar, et ensuite égorge, c'est-à-dire bien sûr sacrifie, fais le sacrifice. Donc on voit également ainsi les deux catégories d'adoration, et que ces adorations ne doivent être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans le verset, on comprend lorsqu'Allah Azza wa Jalla yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ça c'est général, wa mahyaya, toute ma vie, wa mamati lillahi rabbil alamin, toute ma vie jusqu'à ma mort c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que je peux faire dans ma vie, tout ce qui est de ma vie, c'est pour Allah. Et donc ce n'est pas ici, bien entendu, la mauvaise compréhension qu'ont certaines personnes par rapport à l'islam ou par rapport à la religion de façon générale, parce qu'ils disent que la religion, c'est dans la mosquée. On sort de la mosquée, on oublie la religion. On rentre dans une sphère qui n'est non religieuse, où les applications ne seront pas religieuses, et dont on doit en fait délaisser notre appartenance, où on doit délaisser nos convictions à ce moment-là. Ça c'est faux. Allah Azza wa Jalla dans ce verset, « Qulwa mahyaya » toute ma vie. « Wa mahyaya » ma vie, toute ma vie. Tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis né jusqu'à la fin de mon existence, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que je sois à la mosquée, que je suis en dehors de la mosquée, n'importe où, à n'importe quel moment, ma vie c'est pour Allah Azza wa Jalla. « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. » Allah Azza wa Jalla yaqul wa ana awwalul muslimin. Bien sûr, au début du verset, c'est qul. Donc il dit de dire à son prophète, à son envoyé, qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de dire donc à la fin wa ana awwalul muslimin, c'est-à-dire que je suis le premier des musulmans. Le premier des soumis, littéralement, bien sûr, le terme muslim veut dire être soumis, qui vient du terme al-islam, qui est la soumission. Ça, c'est littéral, et donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Qatada. Qatada, lorsqu'il a expliqué ce verset, yaqul min hadhil umma, c'est-à-dire je suis le premier musulman, dit je suis donc le premier musulman parmi la compréhension donc du verset, parmi cette communauté, la communauté musulmane. Effectivement, la communauté musulmane, le premier à s'être soumis de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on n'a pas à comprendre ici wa ana awwalul muslimin, que c'est le premier musulman du genre humain, c'est-à-dire depuis qu'a existé l'être humain, depuis Adam jusqu'à nos jours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en fait le premier des musulmans. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le premier soumis dans cette communauté qui est la communauté musulmane. Et le shir dit wa kama qal fa inna jami' al anbiya'i qablahu kulluhum kanat da'watuhum ila l'islam, c'est-à-dire que tous les prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, sans exception, leur da'wah, c'est-à-dire leur prêche, était l'islam. C'est-à-dire qu'ils ont appelé leur peuple à adorer qu'un seul Dieu et délaisser toute adoration en dehors de lui. Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration. Donc, les versets qui prouvent cela sont très très nombreux dans le Coran. Le Cheikh va en citer certains. Donc, sachant qu'on vient appuyer ici la compréhension du verset wa ana awwalul muslimin, c'est-à-dire le premier des musulmans dans cette communauté. Mais les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont été soumis à Allah Azzawajal, ils m'ont précédé parmi les envoyés et autres, et ceux qui ont suivi les envoyés. Parmi les versets qu'il cite le shir, Yaqul وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Ça c'est surat al-Anbiya, les prophètes, c'est le verset 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça c'est tous les envoyés. Tous les envoyés qui sont venus avant le prophète sallam, min rasoulin. Et bien sûr ici c'est général, am, c'est général, chaque envoyé. Tous ces envoyés-là, Allah Azzawajal leur a commandé de quoi et leur a révélé point de divinité en dehors de moi. C'est-à-dire point de divinité méritant l'adoration en dehors de moi, donc adorez-moi. Fa'aboudoun, ça c'est la parole et ça c'est la da'wah, le prêche de chaque envoyé. Donc les envoyés qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tous été sur la religion de l'islam. C'est-à-dire lorsqu'on dit la religion de l'islam, qui se comprend par rapport à sa base, et qui est donc l'adoration à un Dieu unique. L'adoration d'un Dieu unique. Ça, c'est notre religion. Ça, c'est la véritable religion. Et ça, c'est le véritable monothéiste. Le véritable monothéisme, c'est ça. Que tu adores Allah Azzawajal sans rien lui associer. Et seule la religion de l'islam actuellement est la religion qui comporte donc ce monothéisme. Contrairement au christianisme et contrairement au judaïsme. Et comme on pourrait le dire lorsqu'on parle et lorsqu'on dit les trois religions monothéistes, ça c'est faux, c'est archi faux. Ça c'est du mensonge. Seul l'islam, d'après le Coran et d'après la Sunna qui a été protégée par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à nos jours, nous invite à quoi ? À l'adoration d'Allah Azzawajal unique, sans associé. Par contre, les autres religions, même si bien sûr tout envoyé, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer à travers ce verset, à travers les autres versets que le shir il va nous citer, pris du Coran, que tous les envoyés ont demandé cela à leur peuple, et qu'il y a bien sûr eu les falsifications, que ce soit de l'évangile, que ce soit avant de la Torah, et l'égarement bien sûr de ces communautés, et qui ont dévié du véritable monothéisme. Sinon à la base, chaque envoyé, Il est venu avec ce prêche. On va voir les versets, on va voir également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets que le shir a cité, ce verset-là. Yaqul subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il informe de ce qui est arrivé à Nuh, c'est-à-dire à Noé, et qu'il a dit Noé à leur peuple. Donc Allah Azzawajal nous informe ce que Noé a dit à son peuple. Et Noé, bien sûr, qui était le premier des envoyés après Adam, qui était le premier des envoyés après qu'il y ait eu bien sûr l'apparition du shirk. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ça c'est fait surat Yunus et c'est le verset 72. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Voilà ce que dit Noé à leur peuple. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire par rapport à mon prêche. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Donc littéralement, muslim. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Wa umirtu an akuna min al-muslimin. Donc on comprend et on voit de façon claire et nette que c'est ce que Allah Azza wa Jalla lui ordonner de faire et de dire, d'être parmi les musulmans. Également, ce que Allah Azza wa Jal nous a cité à propos de Yusuf, alayhi salam, yaqul subhanahu wa ta'ala, Rabbi qad ataytani min al-mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith, فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ça fait Sourate Yusuf, c'est le verset 101. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves, des songes. Tu es le Créateur, c'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Et bien sûr, le terme ici, musliman. Tawaffani musliman. C'est ce qu'il demande, Yusuf. Tawaffani musliman. C'est-à-dire ce qu'il demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tawaffani musliman. C'est ce qu'il demande à Allah, azza wa jalla, son Seigneur, qu'il le fasse mourir en tant que musulman. C'est-à-dire en tant que soumis, bien entendu, au sens littéral du terme. Wa alhiqni bis-salihin. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc on a vu Nuh, on a vu Yusuf, également Moussa, Moïse, alayhi salam. Alors yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, yaqul subhanahu wa ta'ala, inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur, yahkumu biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyun wal-ahbar. Wal-ahbar. Et ça c'est sourate Al-Ma'ida, c'est le verset 44. Nous avons fait descendre le Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Et donc bien sûr, Torah, elle est descendue sur Moïse. Et à travers ce verset-là, Allah Azza wa Jal yaqul yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar. Donc tous ceux qui sont venus après Moïse, ils ont tous yahkumu biha an-nabiyyun, ils ont tous en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'est cité dans ce verset, c'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs, yahkum. Et donc, qui se sont soumis à Allah, qui se sont soumis à Allah, alladhina aslamu. Et donc, qui vient encore du terme, ou du verbe aslama, qui vient du terme al-islam, qui est donc la soumission. Donc ici, on revoit encore une fois une des preuves du Coran qui nous prouve que tous les envoyés sont venus avec la religion de l'islam. Bien entendu, lorsqu'on dit la religion de l'islam, et ça c'est la précision que l'on va donner, et c'est ce qu'on a dit au départ, on entend la base de l'islam, c'est-à-dire qui se concentre dans le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration ou dans l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Ça c'est la base de l'islam, et c'est la base donc de toute religion qui est descendue avant sa falsification sur les envoyés. Par contre, lorsque maintenant on comprend le terme islam de façon plus générale et ce qui englobe jusqu'à la législation, alors ici on va comprendre que la législation va différer. C'est-à-dire, on voit de manière évidente que la législation qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été la même qui est descendue sur Moïse. Elle n'a pas été la même qui est descendue après lui sur Isa, etc. Donc il va y avoir une différence par rapport à ce que l'on pourrait nommer Al-Furu'a. Al-Furu'a, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les branches. Et pour ce qui est des bases, alors tous ont eu en fait une mission qui était commune. Et la preuve de cela, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la parole suivante. نَحْنُ مَعَاشِرَ أَنْبِيَا أَوْلَادُ عَلَّاتِ دِينُنَا وَاحِدٍ. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, il dit نَحْنُ, c'est-à-dire nous, l'ensemble, la communauté des, ou l'ensemble des envoyés, des prophètes. أَوْلَادُ عَلَّاتِ دِينُنَا وَاحِدٍ. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Et quelle est la signification de ces termes? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie ce terme Aulad Allat, Allat Bilaïn, il nous donne la précision, le shir. Yaqul Hum al-Ikhwatu min Abin Wahid wa Ummahat Shetta. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui sont d'un seul père, mais dont les mères sont différentes. par exemple, un homme s'est marié avec plusieurs femmes, de toutes ces femmes, il a eu des enfants. Les enfants, ils ont un père qui est commun, ils ont des mères qui sont différentes. C'est ce qu'on appelle Aoulad al-Allat. Aoulad al-Allat. Taïb. C'est le cas en fait, où c'est la métaphore qui est utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer le cas des prophètes. Leur père ici, il veut dire par là la base de la religion. Dinuna wahid. C'est-à-dire dinuna, la base de la religion. Dinuna wahid. Notre religion qui est là, qui est l'islam et qui est donc l'appel et la concrétisation de l'unicité d'Allah Azzawajal dans son adoration, elle est commune à nous tous. Donc ici, ça prend la place du Père. Par contre, nos mères, donc c'est ce qu'on va comprendre dans le terme Allat, nos mères, elles sont différentes. Et qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallam par les mères? C'est-à-dire les législations. Les législations, les lois qui diffèrent d'une religion à une autre. Donc à partir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a employé un terme bien précis pour nous faire comprendre de manière très précise que toutes les religions, elles ont un point commun. Bien sûr, lorsqu'on dit les religions, celles qui sont descendues sur Isa, sur Moïse et tous les autres prophètes d'avant, elles ont un point commun et c'est bien sûr l'adoration d'Allah Azzawajal unique. Et elles diffèrent, et ce qui est bien sûr la base, Al-Asl, et elles diffèrent dans leur branches, et qui sont en fait les lois. Qui sont les lois. Sachant, et ça c'est un point également important à comprendre et à savoir, que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la législation qui est venue abroger toute législation présente avant elle. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal acceptera que la personne qui se sera soumise à Allah Azzawajal suivant la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc bien sûr, lorsqu'on parle de législation, c'est tout ce qui est en rapport, comme on a dit, avec les branches de la religion. Donc il se peut en fait que certaines adorations différaient par rapport à leur forme d'un prophète à un autre prophète. Ou ce qui était interdit dans une communauté pouvait peut-être être permis dans une autre communauté, etc. Donc c'est ce qu'on appelle al-irtilaf al-furu', c'est-à-dire les divergences qu'il y avait dans les branches et non sur la base. Sur la base, ce qu'on a cité, tous les versets qu'on a cités. C'est tous les versets qu'on a cités. Et donc à partir de là, on comprend, ou toute cette explication va nous permettre de comprendre le verset wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin, quelle est en fait la signification de cette partie du verset wa ana awwalul muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.